personnage des mangas, en blanc et noir violent, sur fond de soleil, de vert magique, en but au pouvoir cosmique, avec vos petites voix d'enfant et des mouvements calculés à l'ordinateur, si joliment peint aux couleurs de Miyazaki. Je vous serre la main à travers l'écran, en joignant les marionnettes d'antan à la beauté de vos gestes. Petit personnage des mangas, aux expressions étranges, quand vous roulez les yeux, tout le reste du corps devient immobile. Et puis, votre regard se fige, sans ciller. Que se passe-t-il? Soudain, vous repartez, les jambes et les bras pliés à angle droit. Et quand vous parlez, on peut vous doubler dans toutes les langues. Petit personnage des mangas, aux héroïques postures. Ce soir, je remercie les mangakas pour toutes les aventures qu'ils nous font vivre. J'aime les héros et les vilains, Naruto et le prince Saphir, Nana et le roi des démons, et Dragon Ball en fanfare pour le bal des ninjas, le blafard Death Note et Full Metal, l'alchimiste. Petit personnage des mangas, ce soir, je vous invite tous dans mes rêves et ma collection clandestine de jeux vidéo.